Mais cinq si là, li pas pour chose pour frère nous yo. C'est pour sou pour la recevoir, pour mes nouvelles qu'a balancé, fait que nous a déchiré, pour nous camper à tout dans yeux. Oui, merci pour le monde, si mon nom devait aller, dans un voyage sans retour. Passé mon apprécié yo, si bon nous même musicien pap j'aime kablié, si con saxophoniste pap jamais existé, le monde mérité comme récompense yo couronne d'or. Papa cadence, papa compa, dans des frères musiciens yo, avec la peine cap diwadie. Dis-moi non, c'était un bon chrétien, un catholique mes prochaines en pile et qui t'aime mes tout peuple haïtien en pile. Très jeune déjà les tapés criés le louvet voit l'oreille grondée, c'est Timon Olrelé les lames chantées, la tête tremblée, malais d'exploitation de préjugés. Pour des travails, pour ça qui est bon, mais ça clute pour bon temps, pas jamais durer trop longtemps. Thank you.